Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal du 4 mai 2017. Voici les grands titres de cette édition. Quatre hommes se faisant passer pour des agents du service national de renseignement ont été arrêtés en Ngozi ce mercredi. La police les poursuit pour viol et demande de rançon. Correspondance d'Apollinaire Mouzagara dès le début de ce journal. Le débat enfle en ce qui concerne l'opportunité de réviser la constitution de la République du Burundi alors qu'un décret de mise en place de la commission qui sera chargée de proposer un projet dans ce sens est là depuis mars dernier. Les avis sont contradictoires, comme vous allez l'entendre dans ce journal. Alors que le ministre en charge de la communication demande aux responsables de radio de dénoncer les journalistes en ligne qui utilisent les éléments sonores piratés sur leur site, le directeur de la radio Isanganiro répond que les journalistes de cette station ne collaborent pas avec ceux d'Inzamba ni Humura. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio. L'avenir. Rebonjour, quatre hommes se réclamant du service national de renseignement qui rançonnait des gens et violait des jeunes filles ont été arrêtés ce mercredi par la police en Ngozi. Le porte-parole de la police nationale invite les victimes à toujours saisir les instances habilitées pour être réhabilitées dans leurs droits. Les détails avec notre correspondant Apollinaire Mouzagara de Ngozi. Ces hommes appréhendés sont Assam Aloïse Batungwanayo, qui se proclamait l'administrateur et directeur général adjoint du service national de renseignement, et Jide Asmani Vangurambona, soi-disant le chargé du SNR en province Ngozi, Claver Salim Nheshimana, employé du PAM, qui assurait la logistique, et Thomas Bidochimana, le déclarant chargé de la sécurité de ce soi-disant numéro 2 du SNR. Tous les quatre hommes habitent le chef-lieu de la province Ngozi, les escrocs, d'après le porte-parole de la police nationale, avaient déjà rançonné beaucoup de personnes et violé cinq filles. Un des quatre hommes a été même appréhendé en flagrant délit dans une maison avec une fillette de 14. La police, par le biais de son porte-parole, a présenté ce jeudi aux journalistes les quatre hommes ainsi que deux véhicules, dont une camionnette double cabine aux vitres teintées utilisées dans cette malfaisance. Pierre Mouritier indique qu'un de ces quatre hommes travaillait dans un hôtel Ganza de la ville d'Ngozi, un hôtel dans lequel ont été récemment saisis l'ordinateur et d'autres objets. De l'homme trouvé mort dans le véhicule du patron de l'hôtel Nonara, aujourd'hui porté disparu, ce qui fait avancer, selon son porte-parole, les enquêtes sur ce dossier. Son porte-parole de la police nationale semble pointer du doigt aussi le programme alimentaire mondial. Selon lui, parmi les auteurs de l'accident qui a failli coûter la vie à l'Ombudsman burundais, deux sont de cette ONG. Il n'y a plus de doute pour le moment que cet accident était bel et bien prémédité, a-t-il annoncé. Pierre Mouriquier invite enfin les victimes de ces actes à porter plainte devant les instances habilitées en vue de leur réhabilitation dans leurs droits. Ngozi, Apollinaire Mouzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Mouzagara. Venons-en maintenant, comme je le disais, sur le débat à propos de l'opportunité de réviser la constitution de la République du Burundi ou pas. Certains préalables, notamment la non-révision de la constitution et l'accord de paix d'Arusha adressé à l'équipe de la médiation actuellement à Bujumbura par certains politiciens, sont jugés non fondés par le porte-parole du président de la République. Jean-Claude Karegwa indique que la révision de la constitution n'incombe qu'au peuple burundais, le seul détenteur du pouvoir, le porte-parole du chef de l'État, au téléphone avec Évariste Nzikobanyanga. Les affaires en rapport avec la Constitution relèvent de la souveraineté des États. Tout le monde peut dire ce qu'il veut dire. Le peuple burundais est souverain. Il est seul détenteur de son pouvoir. Il a toutes les prérogatives de demander sa Constitution quand et comme il le veut, comme tel est le cas sous d'autres cieux. Le peuple burundais vient de passer plus d'une année à discuter sur l'orientation de son destin à travers la Commission nationale de dialogue inclusif inter-burundais. Il faut que les gens apprennent à respecter la volonté du peuple. Certains politiciens trouvent inopportune la révision de la Constitution, disant que le dialogue inter-burundais n'aura plus d'effet si la Constitution était aujourd'hui révisée. Et là, qu'est-ce que vous en dites? Il faut d'abord comprendre, et le monde devrait aussi prendre conscience, que la crise de 2015 a été occasionnée par un malentendu autour de la Constitution. Par conséquent, toutes les parties prenantes devraient mener une réflexion sur une éventuelle réforme constitutionnelle pour éviter que non seulement ce problème ne se répète en 2020 et au-delà, mais aussi pour accélérer l'intégration du Burundi au sein de la communauté est-africaine au niveau de ses instruments juridiques. Quand on parle de l'amendement de la Constitution, certaines personnes se trompent, ils croient que c'est pour réviser l'article 96 qui parle des mandats présidentiels. Mais au-delà de ça, il y a certains articles de la Constitution qui aujourd'hui sont devenus vétustes, qui sont même frappés par la désuétude. Vous comprenez donc que les Burundais, les politiciens et les autres Burundais devraient s'engager sur une voie de dialogue parce que 2020 est à l'horizon. C'était le porte-parole du président de la République, Jean-Claude Karegwa. Vous saurez que le président de la République a déjà décrété depuis le mois de mars de l'année en cours la mise en place d'une commission chargée de demander certains articles de la Constitution qui ne seraient pas conformes au contexte politique du moment. Et le parti Parena souhaite que la Constitution soit révisée dans le but notamment de donner du pouvoir au vice-président de la République. Non pas dans le sens de modifier les dispositions relatives au mandat présidentiel. Le président de ce parti, Zenon Nimubona, précise cependant que la révision devrait intervenir après le dialogue qui se tient à Arusha. Suivez-le. Nous demandons à ce que les vice-présidents, non seulement aient des pouvoirs, mais également des pouvoirs bien définis, clairement définis dans l'esprit des accords d'Arusha, mais aussi qu'ils soient relevés dans les mêmes conditions que le chef de l'État. Pour la minorité Tutsi, il était question d'un vice-président chargé de co-gérer avec le président, dans le sens non pas de lutter contre lui, mais pour échanger démocratiquement sur les questions nationales qui pourraient envenimer la vie politico-sécuritaire au Burundi. Mais les vice-présidents, dans la constitution actuelle, n'ont pas de pouvoir. La preuve est que nombre d'entre eux ont pris le large. Et c'est après avoir sorti du pays qu'ils sont allés dire que rien n'allait au gouvernement. Le parti Parena demande que les députés soient élus directement pourvu que les quotas soient respectés. La liste est bloquée, a montré ses limites. Regardez, rien que pour la question du sucre, les députés n'arrivent pas à bouger pour clarifier la situation de la gestion du sucre. Du fait d'être sur les listes bloquées, ils ne peuvent pas expliquer comment les impôts, notamment l'impôt foncier que l'on paie à la mairie, soient si subitement portés à la hausse. Il n'a pas de compte à rendre à la population parce que la population ne l'a pas élu. Le président du parti Parena, Zenon Nimubona, qui appelle les institutions à suivre l'exemple du président Magaza qui concevait les programmes de développement en fonction des aspirations du peuple exprimées lors des congrès et débats. Vous saurez que ce jeudi 4 mai marque le premier anniversaire de la mort du président Jean-Baptiste Bagaza. Et l'ONG Parsem appelle le facilitateur dans le conflit burundais, sa délégation présente pour 3 jours à Bujumbura depuis ce mercredi, à terminer les réunions de briefing et entamer le vrai dialogue entre protagonistes en vue de trouver une solution qui soit adéquate à la crise. Lors d'un point de presse jeudi, le président de l'organisation Parsem a fait remarquer que la commission qui sera chargée de proposer un projet de constitution amendé ne pourra pas fournir quelque chose de concret sans le résultat du dialogue initié à Arusha. Suivez Faustin Dikoumana, c'est le président de l'organisation Parsem. Une commission technique ne peut jamais donner des modifications sans une orientation politique claire. On a parlé d'un dialogue intérieur, mais le dialogue intérieur doit être complètement le dialogue externe. Le dialogue externe aussi qui est aussi important parce que les acteurs politiques, la communauté internationale, leurs yeux sont braqués sur aussi le dialogue d'Arusha. Et personne ne viendrait nous dire que le dialogue interne est le seul souci. Il a été nécessaire, mais pas suffisant. Depuis Belirit, quand on organise un dialogue politique entre partenaires, il y a toujours une grande part de ceux qui ont fui le pays. Même aujourd'hui, le Burundi ne peut pas évoluer en vase clos, ne peut pas s'isoler. Même les pays puissants, la France, le Japon, vous entendez des fois quand il y a un problème, il y a une solidarité, ils doivent rester dans le Conseil des Nations. Le Burundi a grandement besoin de flux externes pour venir renflouer les caisses de l'État pour alléger la souffrance de la misère de son peuple. Nous disons, arrêtez toujours de voir la situation du pays dans un prisme déformé, orienté vers les intérêts des uns. Il faut des intérêts supérieurs de la nation Il y a des Burundais qui sont à l'extérieur, il y a la communauté internationale, il y a le Burundi intérieur. Tous sont des fils et filles de ce pays. Si on parvient à un dialogue qui nous crédibilise vis-à-vis de la communauté internationale, ça sera la fin de cette crise pour qu'en fin de compte, on puisse commencer à s'atteler à d'autres priorités, d'autres défis qui sont non moins importants. Un appel, c'est l'appel au gouvernement, c'est que cette commission technique pour aider beaucoup plus le Burundi, il faut aussi mettre à contribution l'orientation politique qui pourra émaner de ce dialogue annoncé à Arusha, parce que ce dialogue aussi réserve le traitement des questions liées à la constitution et à l'accord d'Arusha. Faustin Ndikoumana, c'est le président de l'organisation PARSEM, et ses propos ont été recueillis par Léonce Huitariho. Les activités conduites par la délégation du médiateur burundais se font dans 8 groupes. Ils s'inspirent d'un canevas mis à leur disposition pour donner leurs idées. Et ceci ressort d'une déclaration envoyée par le médiateur que nous a lu Pascal Niyuyangunze. Parmi les thématiques à traiter dans ce briefing figurent les questions politiques, à savoir la garantie des libertés fondamentales comme la liberté de réunion, la liberté de mouvement et la liberté d'expression. Il y a aussi les mesures de renforcement de la confiance comme la libération des prisonniers politiques, l'accélération des procès équitables pour les personnes en détention et la cessation de la campagne d'ON. Figurent aussi sur l'agenda les questions en rapport avec le retour des acteurs politiques exilés. Ici, on note notamment les garanties de sécurité personnelle et une libre participation aux activités politiques, sociales et économiques, sans oublier les moyens de subsistance. Seront abordées également les questions en rapport avec les droits de l'homme et dimensions de genre, l'état de droit et la bonne gouvernance. Concernant les conditions constitutionnelles, législatives et électorales, ce briefing se focalisera sur les questions constitutionnelles, la réaffirmation des dispositions de l'accord d'Arusha, la révision de la loi électorale et la révision de la commission électorale nationale, où on discutera autour du mandat, de l'indépendance et de la composition de cette commission. Ce document proposé par le médiateur Benjamin Mukapa contient également des questions qui concernent le ministère de l'Intérieur. C'est notamment le respect du principe de non-ingérence dans les affaires des partis politiques et le respect des libertés fondamentales, les réunions des partis politiques selon la feuille de route signée en 2013. Les participants dans ce briefing émettront également des propositions sur le statut des observateurs électoraux internationaux et nationaux, les questions socio-économiques, humanitaires et sécuritaires. Les questions sécuritaires concernent le désarmement des jeunes armés alliés à des partis politiques, la sécurité générale et personnelle, ainsi que celle des observateurs, c'est-à-dire ceux de l'EAC, de l'Union africaine et de l'ONU, mais aussi la réforme du secteur de la sécurité. Des propositions seront enfin formulées à propos du mécanisme conjoint de suivi et d'évaluation du fonds de développement des partis politiques et du calendrier de mise en œuvre. Pascal Niyoyangonze, parmi ces 8 groupes, il y a 4 formés par les partis politiques, 1 de la société civile, un autre composé par les associations féminines, un autre groupe de jeunes et enfin celui des confessions religieuses. Il est 13h10 à Bujumbura. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 8 personnes, dont un mineur de 14 ans, sont toujours au bureau de la commune Mabanda en province Makamba, une semaine après leur refoulement de la Tanzanie. Elles proviennent de différentes provinces et disent qu'elles ne peuvent pas se payer des tickets de déplacement vu qu'elles ont été dépouillées de leurs biens par les forces de l'ordre tanzaniennes. L'administrateur de la commune Mabanda confirme que la Tanzanie a refoulé une 60aine de Burundais la semaine dernière, mais Laetitia Niyonguru dit que la commune manque de moyens pour les assister. Oban Niyonguru se trouve à Mabanda pour nous. Voici son reportage. Clovis Nduwimana est l'une des 8 personnes récemment refoulées de la Tanzanie. Il est originaire de la province de Karoutz. Avant d'être refoulé, il a d'abord purgé 2 mois d'emprisonnement en Tanzanie. Lui et 7 autres, dont un enfant de 14 ans, vivent dans des conditions déplorables. Ils dorment dans une salle de classe qui ne fonctionne plus, située tout près du bureau de la commune de Mabanda en province de Makamba. Ils dorment à même le sol sur de petits cartons qu'ils ont taillés. Pour se rationner, ils attendent les âmes charitables pour leur venir en aide. Ils disent tous qu'il leur manque un ticket de déplacement pour retourner dans leur famille. Le retour de la Tanzanie, ils disent que les forces de l'ordre de la Tanzanie leur ont dépouillé de l'argent, des téléphones, les habits et autres objets. Les autres qui sont au bureau de la commune de Mabanda sont originaires de certaines provinces lointaines comme Kayanza, Bujumbura, Muramvya ou autre. L'administrateur de la commune Mamanda confirme que beaucoup de Burundais ont été refoulés de la Tanzanie la semaine dernière. Mais les Tutsi Niyonkuru dit que cette commune n'a pas les moyens d'assister ces Burundais refoulés. Elle demande aux bienfaiteurs d'intervenir pour que ces refoulés puissent retourner dans leur famille. Depuis Mamanda en province Makamba, Aubin Niyonkuru, Radio Isanganiro. Merci Aubin Niyonkuru. Dans la suite de ce journal, le prix du café cerise ne sera pas inférieur à 500 francs burundais le kilogramme sur tout le territoire national. C'est une annonce faite par Deogui de Rurema. C'est le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage dans un communiqué de presse. Il a fait savoir que la production du café orange est interdite dans les zones couvertes par les stations de dépulpage et de lavage. Le ministre met en garde les fraudeurs de café contre les punitions auxquelles ils s'exposent selon la loi. Suivez. Des mesures suivantes viennent d'être prises pour que la campagne se déroule dans les conditions normales. Ces mesures sont les suivantes. Le prix au producteur ne doit pas être en dessous de 500 francs burundais par kilo de café cerise. Le paiement cash est strictement interdit. Le paiement des cafés critères se fera en deux tranches. Le premier se fera avant la fin du mois de mai 2017, dans les zones où la campagne a déjà commencé, et le deuxième avant la fin du mois de juillet 2017. Les centres de collecte du café cerise qui ne respectent pas le règlement de production du café parche, fully washed et washed, sont à supprimer. Les centres de collecte de café cerise sont gérés par les propriétaires des stations de dépulpage, lavage. La production du café washed est interdite dans les zones couvertes par les stations de dépulpage, lavage. Cette mesure ne concerne pas les provinces de Ruyigi, Outana et Chanhuzo. Enfin, le gouvernement ne tolérera pas toutes les fraudes du café et nous en profitons pour demander à tous les administratifs du sommet à la base et les commissaires provinciaux frontaliers d'être vigilants pour décourager cette pratique qui met en cause les efforts du gouvernement et des agriculteurs pour une redynamisation de cette culture. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous l'avais dit, le ministre en charge de l'information s'inscrit en faux contre les médias en ligne qui piratent les informations postées sur les sites des autres médias. Nestor Wangomukunzi conseille aux responsables des médias de dénoncer ce vol pour que les consommateurs des informations données par ces radios en ligne sachent qu'ils consomment des informations piratées. Il conseille aussi aux sources d'informations de ne pas retenir l'information à cause de cette pratique illégale. Suivez le ministre en charge de la communication, Nestor Wangomukunzi. Il est regrettable qu'il y ait des journalistes qui travaillent en faisant fi des règles de la réglementation régissant le métier de journalisme. Si c'est le cas, je dirais que c'est déplorable. Alors, en tant que responsable du secteur, je demanderai à ces journalistes qui font du piratage professionnel de cesser de le faire parce que le métier de journalisme est réglé et suit une certaine réglementation. Et une fois qu'on s'écarte de la voie tracée par la loi, vous êtes en dehors de la loi et vous êtes donc punissable. Et pour ceux-là qui se plaignent comme quoi les nouvelles diffusées dans l'un ou l'autre organe de presse, dont les informations sont diffusées de façon illégale, je leur demanderai de dénoncer cet acte par des voies légales prévues par la loi. Et si les contrevenants au principe de réutilisation des informations données par un organe de presse, s'ils ne s'amendent pas, l'organe de presse victime de cet acte devrait saisir la justice, devrait porter plainte pour faire cesser ces agissements parce que, effectivement, ils sont victimes d'un vol, ils sont victimes d'un acte illégal qui risque même d'entacher sa réputation. Souvent, les médias qui font ce genre de vol, ce sont des médias qui ne sont pas sous la législation burundaise. Dans ce cas, on peut porter plainte contre qui ? La première chose qu'il faut faire, c'est de dénoncer par voie de presse cet acte de façon que même ces gens qui consomment ce genre d'informations sachent que c'est du piratage, que ce n'est pas du journalisme classique que nous connaissons. Pour ce qui concerne les aspects en rapport avec la justice, que si la loi burundaise ne peut pas s'appliquer sur eux. Il y a d'autres façons, il y a des mécanismes. Vous pouvez même passer par des organisations, des associations régionales ou sous-régionales des médias pour leur demander de vous aider à faire en sorte que cet acte cesse parce qu'il en va de la survie, il en va de la bonne réputation de votre organe de presse. Nestor Wangomokonzi, c'est le ministre en charge de l'information et le directeur de la radio Isanganiro tranquillise ses auditeurs et sources d'information que les journalistes de cette radio ne collaborent pas avec les radios en ligne Inzamba et Homura. Selon Samson Maniradukunda, les informations diffusées à la radio Isanganiro et puis entendues dans ces radios sont volées sur le site de la radio Isanganiro. Il intervient après que la correspondante de la radio Isanganiro, Abouanza, Space Caritas Kabanyana, ait été victime du piratage par ces radios en ligne. Suivez Samson Maniradukunda. Il arrive que les informations qui ont passé sur les ondes de la radio Isanganiro passent aussi dans les éditions des radios Inzamba ou Humura Burundi. Cela est une source d'insécurité pour notre journaliste qui fait un reportage, mais aussi aux personnes interviewées. Cela handicape la recherche de l'information, surtout l'accès aux sources, parce que la personne interviewée n'accepte plus de parler au micro de la radio Isanganiro de peur que sa voix soit entendu sur ces radios Inzamba ou Humura, ce qui met en danger aussi le journaliste, mais aussi la personne interviewée. À ce que je sache, il n'y a aucun élément qui prouve qu'il y aurait des journalistes de la radio Isanganiro qui collaborent avec la radio Inzamba ou Humura. Jusqu'à aujourd'hui, ça va être bientôt 2 ans que je suis en train de diriger la radio Isanganiro, je n'ai jamais vraiment vu les journalistes de la radio Isanganiro collaborer avec la radio Inzamba. Seulement, depuis la réalité jusqu'à aujourd'hui, la radio Isanganiro était toujours caractérisée par le professionnalisme dans le traitement de l'information, ce qui me pousse même à encourager nos journalistes de continuer à vaquer à ces activités, parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication, il est facile à ces journalistes de la radio Inzamba ou Humura de repiquer les informations qui diffusent la radio Isanganiro, que ce soit dans les éditions, mais aussi sur le site internet de la radio Isanganiro. C'était Samson Maniradukunda, c'est le directeur de la radio Isanganiro que vous écoutez en ce moment. Il sera bientôt 13h20 à Bujumbura et c'est par là que nous bouclons ce journal. Mais avant de nous séparer, je vous rappelle que 4 hommes se faisant passer pour des agents du service national de renseignement ont été arrêtés en Ngozi ce mercredi. La police les poursuit pour viol et demande de rançon. Le débat enfle en ce qui concerne l'opportunité de réviser la constitution de la République du Burundi alors qu'un décret de mise en place de la commission qui sera chargée de proposer un projet dans ce sens est là depuis mars dernier. Les avis sont contradictoires comme vous l'avez suivi dans ce journal. Alors que le ministre en charge de la communication demande aux responsables de radio de dénoncer les journalistes en ligne qui piratent les éléments sonores sur leur site, le directeur de la radio Isanganiro répond que les journalistes de cette station ne collabore ni avec ceux d'Inzamba ni avec ceux de Humura. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Séraphine Hakizimana pour la mise en onde. Au micro Jean Bosco Ndouimana, nous vous souhaitons de passer un très bon après-midi.